Le titre de cet audio, c'est « De l'intelligence, ça ne se réfléchit pas ». Alors, je vais interviewer Marc en posant des questions sur ce sujet. Donc, déjà avec ce titre-là, ça soulève plusieurs points. Donc, on peut déjà se demander en réalité, c'est quoi de l'intelligence? Parce que on a chacun un peu une certaine conception de l'intelligence. Mais est-ce que c'est une conception de l'intelligence en lien avec des mémoires passées? Que c'est une intelligence dans un cadre évolutif ou si on parle vraiment de l'intelligence dans un cadre évolutif ou l'intelligence de l'homme nouveau. De l'intelligence, ça ne se réfléchit pas. Pourquoi on en arrive à dire ça? Quoi si au moment où on commence à se réfléchir, c'est comme s'il n'y avait plus d'intelligence? Pourquoi c'est comme ça? La première base d'intelligence de l'individu a été son intellect. Pour qu'il développe effectivement une pensée réfléchie sur sa vie. C'est ce qui lui permettait de cadrer sa vie, lui donner des sécurités dans sa psychologie. Mais lorsque vient le temps de la conscience, puis qu'une personne se réfléchit trop en lien avec son passé, en lien avec ses mémoires, ce qui se produit généralement, c'est que la personne reste accrochée à son passé. Elle lui donne une valeur. Puis c'est pour ça qu'on peut dire que l'intelligence ne se réfléchit pas, parce que c'est une énergie tellement puissante qui empêche l'ego de réfléchir la réponse. Mais lorsque la réponse est reçue, l'ego va être ébranlé et il peut ensuite réfléchir et ne pas accepter la réponse parce que son intelligence à lui n'est pas encore assez ajustée à une vibration plus élevée pour l'empêcher de se réfléchir. Donc il va se réfléchir, puis c'est cette souffrance-là dans la réflexion qui va surgir, qui un jour va devoir être amendée, parce que toutes les fois que l'ego se réfléchit, il donne une valeur à sa vie qui n'est pas réelle, et en donnant une valeur à sa vie qui n'est pas réelle, il s'amène automatiquement à souffrir davantage, et c'est pour ça qu'on a dit que de l'intelligence, ça ne se réfléchit pas. Okay. Donc, si je comprends bien, si je parle avec les gens un peu de tous les jours, quand que les gens vont parler d'intelligence, si je parle avec des collègues de travail ou des amis, eux, quand ils parlent d'intelligence, en réalité, ils parlent de la notion de l'intellect. Alors que nous, quand on parle de l'intelligence, on parle d'une vibration qui ne doit pas être freiné. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui, c'est exact. Parce qu'une vibration, c'est quoi, dans le fond? C'est que c'est une énergie que tu ne peux pas commander. Ça descend dans tes corps. Et quand les gens fonctionnent, par exemple, dans la vie de tous les jours, ils échangent avec des collègues de travail, qu'est-ce qui se passe normalement? Ils ont accès à leur mémoriel. Ils ont accès à une intelligence rationnelle pour parler. Donc, ils vont analyser. Ils vont discuter, ils vont comparer. Alors que d'intelligence, quand ça descend, ça tranche. Mm-hmm. Tu ne peux pas après ça dire « Ah, oh, c'est pas intelligent ». Tu n'as pas le choix d'accepter que c'est intelligent parce que supposons qu'on parle de psychologie, puis on dit « C'est quoi le rejet ?» Supposons qu'on parle de rejet. Là, une personne va dire « Ben, c'est la notion psychologique d'avoir été pas aimé par quelqu'un. » Alors que dans l'intelligence pure, ou dans l'intelligence qui ne se réfléchit pas, le double va dire le rejet, c'est l'incapacité de l'ego à se savoir intelligent seul. Mm-hmm. Donc, il donne de la valeur aux autres, de là le rejet. Tu vois, la réponse est complètement différente. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce qui empêche les gens d'être intelligents dans le sens évolutif du terme, c'est la réflexion, comme on le dit, mais la réflexion crée un frein à l'absorption de cette intelligence-là. L'intelligence ne peut pas descendre parce que l'ego souffre de connaître ces réponses-là. Donc, c'est bien dit parce que le frein est mis par l'ego qui souffre et qui réfléchit sa souffrance. Il n'est pas capable. Ça prend énormément d'intelligence dans une personne. OK? Donc, ça veut dire que la descente du double cosmique qui va fournir au début l'intelligence d'une personne. Parce que l'intelligence ne vient pas du double, mais c'est lui, elle passe à travers le double pour que l'homme, l'individu, ait accès. En ayant accès à son intelligence, l'ego est obligé d'accepter une contrepartie cosmique de lui-même qui est l'intelligence du double, pour tasser son intelligence rationnelle. Mais l'ego, lui, il va freiner ça, cette descente d'énergie-là, pour la simple et unique raison, son point de repère avec la vie, c'est ce qu'il connaît. Il ne peut pas aller dans le savoir tout de suite puis dire « Ah, ben ça, je fais sauter ça comme ça dans ma vie. » Fait que là, il est obligé de freiner sa vie. Mais quand il freine sa vie, il donne aussi de la nourriture à l'astral, à la mémoire de l'âme. Puis la mémoire de l'âme, en lien avec le mémoriel de l'ego, c'est toujours de rappeler à l'individu que c'est elle, l'âme, qui va lui fournir son intelligence. Fait que là, la personne peut développer une intelligence spirituelle. Donc, tu aurais peut-être un exemple à démontrer? Bien, une personne qui s'informe, dans le fond, par rapport au supramental, par exemple, tu sais, où on écoute des cassettes de Bernard, on les écoute, on retient l'information, mais à ce moment-là, l'information, on la connaît, on la comprend, par contre, elle n'est pas intégrée encore. Donc, on peut la spiritualiser facilement en disant tout simplement que c'est en écoutant les cassettes de Bernard ou en écoutant des enregistrements que je vais réussir vraiment à connaître mon intelligence. Ce que les enregistrements font ou ce que moi je fais en tant qu'enregistrement, ça permet simplement de rapprocher l'ego de la capacité de savoir qu'il est intelligent tout seul. Supposons que je dis quelque chose de nouveau. Parce que des fois, moi, je peux dire des choses que je connais pas. Par exemple, je vais en faire une expérience. L'intelligence pour les forces de la lumière, c'est ça ne se réfléchit pas parce que ça permet tout simplement à l'ego d'être transparent sur le tas. Donc, quelqu'un qui sait ça, par exemple, que je dis ça, il va dire « Ah, transparence sur le tas, j'avais capté ça dans l'intelligence. » Donc, je rapproche le savoir de lui-même. Si l'ego est capable de ne pas se réfléchir, il va savoir que de l'intelligence, ça amène de la transparence dans l'ego pour que lui, ensuite, soit capable de prendre sa souffrance puis dire, OK, voilà, dans mon ego, je souffre et je tourne en rond et les freins que je mets à ma vie sont les suivants parce que dans mon ego, j'ai souffert de la peur de l'abandon dans le passé, j'ai pu souffrir de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez intelligent pour mener ma vie seule. Ça fait que, en gros, l'ego, lui, il freine toute la descente de l'intelligence pure parce que il y a trop de mémoriel. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'arrive dans ce cas-là? Bien souvent, ça prend un choc vibratoire pour casser l'ego. Il faut qu'il souffre suffisamment pour comprendre que l'intelligence ne viendra jamais de lui. Une fois qu'il saisit, qu'il comprend que l'intelligence ne viendra pas de lui, l'ego est prêt à quoi? Il est prêt à transmuter des nouvelles formes. Puis, dans cette transmutation-là, la force de la lumière, le double va se rapprocher. OK. Pourquoi c'est on parle toujours de souffrance quand on parle d'évolution. Ouais. Pourquoi ça revient toujours à ça? On peut pas juste dire, ah ben je comprends le principe d'évolution, je comprends ce que Bernard a dit. Pourquoi ça revient toujours à la souffrance? Faut toujours que l'ego soit cassé. L'ego peut pas juste comprendre une réalité puis l'accepter. C'est intéressant ça, Chloé, parce que on veut comprendre qui on est, mais pour intégrer qui on est, ça prend des chocs vibratoires. Par exemple, si tu prends une personne qu'elle dit, elle a la peur de l'abandon. Donc, dans la peur de l'abandon, elle pourrait écouter une cassette qui dirait ceci. La peur de l'abandon provient nécessairement, là c'est l'intelligence qui va parler, provient nécessairement de l'incapacité de l'ego à avoir été sécurisé comme enfant par ses parents. Donc, les parents n'ont nécessairement pas été assez suffisamment intelligents pour générer suffisamment d'intelligence chez l'enfant pour qu'il soit totalement sécurisé. Mais il y a aussi quelqu'un qui naît avec cette peur d'un abandon-là parce que c'est une mémoire ancienne. Donc, si c'est une mémoire ancienne, dans ce cas-là, les parents, il faut qu'ils soient aussi équipés pour éduquer l'enfant, dire en fonction qu'il soit capable de tenir un discours au sujet de l'enfant en lui disant « c'est pas nous qui t'a abandonné ». Mais imagine des parents qui disent ça à leurs enfants, « c'est pas nous qui t'a abandonné, ça s'est passé d'une autre vie. Mm-hmm. Fait qu'on va le régler avec toi durant l'enfance, puis quand tu vas être à l'adolescence, tu n'auras plus ça. » Mais c'est pas ça qui se produit. Les gens sont pas conscients qu'un mémoriel dans une autre vie est transféré dans une vie actuelle. Puis si tu parles d'intelligence, OK? tu peux pas analyser ça. Mm-hmm. Tu peux pas dire, ben je comprends. Non, ça se vit pas comme ça. Fait que tu pourrais, une personne peut écouter des cassettes de Bernard ou du matériel sur l'abandon, puis elle va réaliser ceci, que elle, si elle fait pas le travail sur son abandon, ça remonte pas à la source de la mémoire, même si elle écoute plein de choses, si elle a pas le choc vibratoire de la souffrance de connecter avec la mémoire et de la souffrir, cette mémoire-là, même si elle comprend comment ça fonctionne, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Elle va tourner en rond, hein? Tourner en rond. Bien, qu'est-ce qu'on dirait à une personne si, par exemple, une personne qui écoute cet enregistrement a une souffrance comme ça par rapport à des mémoires d'âme, la peur de l'abandon. Cette personne-là souffre de la peur de l'abandon. Elle écoute ça, elle dit « Ok, je comprends tout ». Qu'est-ce qu'elle doit faire si elle en est tannée vraiment de souffrir? Est-ce qu'elle a un pouvoir ou c'est tout simplement la vie qui va l'amener, la vie, le double ou les événements de la vie qui va l'amener à vivre ses souffrances et à travers ces souffrances-là, c'est en vivant ces souffrances-là que là, la personne doit vivre sa souffrance. Mais encore là, il semble y avoir un piège aussi parce que quand la personne va vivre sa souffrance, elle va revivre sa souffrance d'abandon, elle peut se réfléchir. Oui, elle peut se réfléchir, puis c'est ça le danger, justement. OK, donc toi, tu voudrais qu'on explique les mécanismes lorsqu'une personne le vit pour pas qu'elle se fasse piéger dans la réflexion. Exactement. Bon, c'est une bonne façon d'aborder le sujet. Donc, supposons on reprend la peur de l'abandon. La personne est peut-être pas consciente qu'elle vit ça, la peur de l'abandon. Puis là, à un moment donné, il y a un événement dans sa vie qui fait que une personne meurt ou une personne la quitte, puis tout son monde s'écroule émotivement. Elle s'aperçoit que « Oh, je me sens seul. » OK? Donc, si elle a moindrement la conscience, au lieu de réfléchir ça, elle va dire « Pourquoi que je me sens seul? Pourquoi que... » Puis là, elle peut connecter avec une mémoire qui va lui dire « Là, elle peut pas faire ça intellectuellement. Elle peut simplement faire ça avec quelle partie qui souffre en elle. Est-ce que c'est l'enfant qui n'a pas été traité au niveau de la peur de l'abandon ou c'est vraiment une insécurité au niveau du couple en pensant qu'elle ne se trouvera pas un nouveau chum ou une nouvelle blonde? OK? Donc, la personne doit connecter avec la mémoire. En connectant avec la mémoire, elle ne se réfléchit pas. Elle fait simplement dire qu'est-ce que je vis et pourquoi je souffre présentement. Là, ensuite de ça, elle doit comprendre que dans l'événementiel, si ça se produit aujourd'hui dans sa vie, mais ça se peut aussi qu'on va lui fournir des réponses intuitives à travers ce qu'elle vit. Mais si elle n'est pas capable d'accepter la souffrance qu'elle vit, puis elle feint de tourner en rond par rapport à la souffrance qu'elle vit, au lieu de simplement dire « Ok, je vais regarder comment les événements vont se placer autour de moi pour que je puisse l'étudier davantage pour y mettre un terme. » Ce sera peut-être pas aujourd'hui, mais si la personne, elle dit « Bon, ben le temps, avec le temps, les choses s'en vont. » Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Ça dépend. Ça dépend pour certaines personnes. Mais pour certaines personnes, ils ont besoin de comprendre l'événementiel et d'étudier la souffrance qui est en lien avec la peur de l'abandon. Ils vont peut-être découvrir que finalement, quand ils étaient jeunes, quand leurs parents se sont séparés, ça a créé cette peur-là. Puis là, ils vont remonter à ça. Puis quand que le couple a été brisé, supposons que le chum ou la fille est parti, puis ils vivent ça, ils vont dire « Ok, c'est juste un événement pour me rappeler que j'ai ça dans mon ego encore qu'il faut que je corrige. » Si la personne est capable de faire ça, est en étude, y a-t-il plus d'intelligence que... Y a-t-il plus de chances que l'intelligence descende en elle? Ou si elle se met à réfléchir, « Oh, mais pourquoi qu'on m'abandonne toujours? Pourquoi moi? » Là, dans cette réflexion-là, elle ramène l'énergie de la souffrance autour d'elle, puis elle le prend personnellement tout ce qu'elle vit, puis la souffrance va même grossir autour de son âme jusqu'à temps qu'elle souffre uniquement psychologiquement. Au départ, ça se peut qu'elle ait souffert psychiquement, mais comme elle n'a pas été capable de le traiter, elle vient qu'à souffrir psychologiquement, puis c'est ça qui fait qu'en gros, elle n'est plus capable d'avoir d'intelligence qui ne se réfléchit pas. OK. Moi, je sais comment je réagis. Personnellement, je sais comment je réagis. J'ai tendance à réagir quand je suis confronté à une mémoire ou une souffrance. Si je te donne une situation, est-ce que tu peux me dire si c'est une bonne façon d'aborder cette réalité-là? Oui. Donc, je sais que personnellement, quand que je suis confronté à une souffrance comme ça, j'ai tendance à vouloir parler. Parler à des gens, des amis ou tout ça. Puis je sais que même si la personne n'est pas dans la conscience, comme la personne est et pas dans le problème, cette personne-là peut, juste en discutant comme ça, sans qu'on parle nécessairement de conscience et tout ça, il peut y avoir de l'intelligence qui descend dans la personne. Fait que ouais, parce qu'elle est capable de t'accueillir dans ta souffrance. Ouais. OK? C'est ce que tout être humain qui est moindrement intelligent dans sa sensibilité va accueillir l'autre dans sa souffrance. Il dira pas, ben, tu souffres pour rien. Mm-hmm. Hein? Imagine, tu te fais dire ça, tu souffres pour rien. À ce moment-là, tu vas voir quelqu'un d'autre pour parler. Mais tu peux aller voir un psychologue, puis ils vont être ils vont développer de l'empathie envers toi, puis ils vont dire, oui, c'est une grande souffrance, puis là, ils vont te faire parler. Mm-hmm. Le problème avec cette réalité-là, c'est que si les gens, ils font un que t'écouter, mm-hmm. toi, tu peux lui donner de la valeur à ta souffrance. Ah ouais. Parce que les autres, ils sont aussi dans de la réflexion, puis ils vont dire « Ah oui, t'as souffert, c'est donc difficile que tu as vécu, ah c'est épouvantable, tes parents ont vraiment pas été corrects, tu sais. Mm-hmm. » Fait que là, ils vont nourrir la réflexion sans le savoir. Fait que là, à un moment donné, si mettons que t'es avec une personne intelligente, elle t'accueille dans ta souffrance, à un moment donné, quand ça va être le bon temps, parce que si elle te pose ça au début, tu vas dire « Ah, m'écoute pas, parce que là, t'es dans ta souffrance », mais les personnes qui sont le moindrement conscients, ils vont aller voir des gens un jour qui sont capables de donner des réponses, pas nécessairement qui vont les confronter, mais qui vont les éclairer. Fait que là, la personne va dire, elle raconte son... Puis c'est important d'écouter la personne, OK? Mm-hmm. Parce que si tu la confrontes en partant, l'ego va se dresser et se mettre dans un geste d'orgueil contre toi parce que l'astral est déjà puissant derrière la souffrance qui est poussée dans la peur de l'abandon. Fait que là, la personne dit un peu qu'est-ce qu'elle vit, puis la personne peut poser tout simplement, si la personne n'est pas consciente que c'est la peur de l'abandon, elle peut lui dire, est-ce que tu sens quelque part que tu as une peur d'être abandonné? Tu sais, la personne ramène cette question-là, l'autre va dire, ah, oui, ça se peut. Mm-hmm. Puis la prochaine question, c'est sûr, pourquoi est-ce que tu vis ça? Est-ce que ça remonte à plusieurs fois dans ta vie? Est-ce que tu l'as déjà vécu enfant? Est-ce que tu as vécu ça dernièrement? Parce que, OK, là, on sait que si tu t'es raconté, ben, mon chum m'a quitté, puis je me sens un peu seul, puis je suis un peu triste, puis j'ai plus mes points de repère. Là, la personne identifie, ah, c'est peut-être la peur de l'abandon ou la peur du rejet, tu sais, un des deux. Il y a une différence entre la peur du rejet et la peur de l'abandon. L'abandon, c'est nécessairement de ne pas avoir été sécurisé. Alors que la peur du rejet, c'est vraiment l'ego qui ne sait pas intelligent. Okay. L'ego, il pense qu'il n'est pas assez intelligent pour l'autre, fait qu'il se rejette lui-même. Fait que là, la personne fait un miroir, puis elle dit, « Mais pourquoi est-ce que tu vis ça? » Puis ça remonte à quand? Là, la personne est obligée d'explorer sa souffrance. Mm-hmm. Si elle ne veut pas aller là, la personne qui pose ces questions-là doit savoir que l'autre n'est pas capable encore d'intelligence. Mm-hmm. Elle a besoin encore de se réfléchir. Elle a besoin de prendre encore son bobo, puis de le flatter encore, de le gratter. Ça ne saigne pas encore assez fort. Mm-hmm. Quand ça va saigner assez fort, là, c'est là que ça va souffrir. Ça veut dire... Donc, une personne qui est dans la conscience, normalement, qui rencontre ces personnes-là, va leur donner peut-être les préformes de qu'est-ce qu'ils vont vivre. Mm-hmm. Mais ils ne peuvent pas non plus, la personne pourrait dire « Ah, tu n'as pas encore assez souffert. » Imagine qu'est-ce que la personne va répondre. Donc, la personne consciente va avoir tendance à se retirer de l'autre. Ouais. La relation ne pourra pas poursuivre parce que l'énergie de l'autre est trop forte pour que l'autre puisse foncer dans ses craintes puis les abattre. Donc, c'est pour ça qu'on réalise des fois que dans la vie, il y a des chemins qui se séparent parce qu'il y a des consciences qui ne sont pas capables d'être dans l'intelligence pure. Puis n'étant pas capable d'être dans l'intelligence pure, il y a trop de réflexion qui fait qu'il y a trop de mémoire, ça devient de la densité. Cette densité-là empêche l'ego de pouvoir ne plus se réfléchir. Et c'est pour ça que des gens souffrent éternellement, alors qu'il y en a des autres, qu'une souffrance comme ça, ça peut amener une initiation solaire. Mm. Pour la simple et unique raison que la personne va se poser la question, pourquoi que je vis ça, la peur de l'abandon? Il me semble que j'ai vécu ça dans une autre vie. Ça a créé un choc vibratoire tellement grand. Parce que la personne peut dire, « Hey, mes parents ont été super corrects. J'ai jamais été abandonné. Puis là, mon chum me quitte. Puis Chris, je me sens comme si j'ai la peur de l'abandon. » Mais c'est une mémoire qui va remonter d'un autre couple, peut-être, ou peut-être que ce mari-là, c'était ton père qui t'a abandonné dans une autre vie. Mm-hmm. Puis là, tu as le même sentiment de l'abandon. Fait que ça, c'est de l'âme. Mais c'est pour ça qu'on l'intelligence, là, quand tu commences à parler avec les plans de la lumière, tu remarques ceci tout le temps, c'est qu'ils n'ont jamais une réponse qui est programmée pour une personne. C'est toujours une réponse qui vient d'ailleurs. C'est jamais... Tu vas voir le psychologue, ben lui, il va t'as peur de l'abandon, c'est X, X, X raison. Mm-hmm. Au niveau des plans de la lumière, c'est pas ça du tout. OK. Alors, ça fonctionne comment avec les plans de la lumière? Avec les plans de la lumière, ils savent si une personne doit être en initiation, si une personne doit se reprogrammer dans son ego pour se réinventer et abattre des mémoires afin que son taux vibratoire s'élève. Les plans de la lumière le savent, ça. Si une personne est capable de vivre ça, ça veut dire que déjà, elle a pas mal assez souffert, si elle est prête à entendre le discours. Si elle n'est pas prête à entendre le discours, ça veut dire qu'il y a trop d'orgueil dans son ego. Puis l'ego, si mettons, même s'il se fait dire par quelqu'un de conscient qu'il y a une problématique dans son ego, l'ego va dire « tu ne me respectes pas dans ce que je vis », puis etc. Alors que c'est jamais le cas. La lumière, si elle a donné les réponses, puis si l'autre, la meilleure chose à faire, c'est demander à l'autre, est-ce que tu veux vraiment avoir les réponses que j'ai en lien avec la lumière? Tu sais, supposons que quelqu'un, ses deux amis, ils disent, ben toi, t'es un canal, ou tu sais, t'es un contact avec la lumière. Je vais utiliser ton canal pour savoir où j'en suis rendu. Ouais. Mais ça se peut que durant le processus, l'ego se braque aussi, hein? Puis qu'ils disent, puis qu'il y ait une mémoire d'âme, mais l'esprit en général va tasser ça, puis des fois ça va peut-être prendre une colère pour le tasser. Parce que l'ego, il va y tenir à ça. Fait que l'ego-là va dire, tabarnak, tu peux-tu arrêter de réfléchir à ton crise de passé, puis le mettre derrière. Là, l'ego, il peut recevoir ça comme une énergie négative, il m'aime pas. Fait que là, il y a une autre peur, une autre crainte qui embarque. Mais les forces de la lumière, eux autres, ils fonctionnent comme ça. Ils fonctionnent en lien avec une vibration qui doit être transmise sans que l'ego puisse la réfléchir. Mais du moment que l'ego la vit, puis est ébranlé, durant sa journée, il peut la réfléchir. Parce que la personne qui a créé le choc à une personne, par exemple, pour ébranler son mémoriel, puis son ancien ego qui ne veut pas laisser aller des vieilles formes, l'astral va vouloir récupérer ça. C'est automatique parce que l'astral, elle sent toujours quand il y a une transmutation qui se fait dans les corps d'une personne. Puis quand les transmutations se font dans les corps d'une personne, l'astral n'aime pas ça parce que ça veut dire qu'elle ne pourra plus se nourrir de cette personne-là dans ses mémoires, dans sa réflexion. Donc, l'ego, lui, quand il est capable d'accepter que de l'intelligence, ça ne se réfléchit pas, il se produit ceci. Il est absent de réflexion, ça veut dire qu'il est capable de se donner une direction. Il va dire, OK, aujourd'hui, je veux me lever, puis je vais m'appliquer à regarder exactement comment je vis ma journée en lien avec ce que j'ai vécu hier. Est-ce que mon taux vibratoire reste le même, ou est-ce que, je vis encore un peu de souffrance. Mais quand on vit de la souffrance de la personne, il ne faut pas qu'elle donne de valeur. Elle va dire, parce que sinon, elle va tomber encore. Fait que qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Il faut qu'elle dise, il faut qu'elle s'instruise de son ego. Elle dit, je sais que tu as souffert, l'ego, là, mais c'est pas tellement intelligent de donner de l'info, tu sais, de la nourriture à des mémoires. Quand je les comprends. Fait que comprendre ce passé, il faut intégrer aussi. Puis pour intégrer une personne, supposons qu'elle découvre qu'elle a peur de l'abandon, elle comprend. Comment qu'elle va l'intégrer? Mais c'est dans les jours qui vont suivre. C'est comment elle va vivre sa conscience avec la peur de l'abandon. Par exemple, à toutes les fois qu'elle va penser à son chum qui est parti, elle va dire, bien, il a bien fait. Au lieu de dire, je m'ennuie de lui, elle serait mieux de dire, il a bien fait, ça ne fonctionnait plus pour lui, il n'était plus capable de vivre avec moi, c'est mieux que s'en aille. Ouais. Donc, elle ramène toujours son ego sur le pas de l'intelligence au lieu de se ramener sur le pas de la réflexion qui serait, mais pourquoi il m'a quitté? Donc, au lieu de ramener l'énergie à elle, elle explose en tant qu'ego, puis elle dit « Ah, ben il m'a quitté, ça doit être bon pour lui. Moi, j'ai rien qu'à prendre soin de moi. Mmh. La vie a décidé qu'elle m'amenait là. Ça se peut qu'un jour, on soit de nouveau en couple. Mmh. » Si intuitivement, la fille a dit « Ah, je pense que notre couple n'est pas fini. Mais là, l'espace que j'ai besoin, c'est à moi de me construire durant ce temps-là. Si tu ne le fais pas, ben tu diminues ton taux vibratoire, puis tu es toujours dans l'intelligence qui se réfléchit. Donc, c'est de l'intellect, c'est de l'ego. » Je vois beaucoup de gens, ben, c'est une situation qui arrive souvent, des personnes qui vont dire ils vont perdre leur chum, puis ils disent « Ah, ça ne me dérange pas. » Dans le fond, c'est de l'attitude. En réalité, ils veulent se convaincre qu'ils ne souffrent pas, qu'ils ont passé à travers, qu'ils ont appris de leur situation. Mais après ça, quand ils revivent une situation pareille, qu'ils se trouvent un autre chum, puis que l'autre chum le laisse, ils revivent encore les mêmes souffrances. Ça leur ramène à réaliser que ou finalement, la souffrance que tu vivais, que tu pensais avoir passé par-dessus, finalement, non. Alors, tu parles du déni, dans le fond. C'est hein? ça, exactement. C'est un mécanisme de l'ego. Oui. Donc, les mécanismes de l'ego, là, pour se réfléchir, il y en a beaucoup. Là, tu as mentionné le déni. Ça peut être aussi sauver sa réputation, de dire c'est un con. Oui. Puis, il fallait, tu sais... Ça peut être aussi, je vais m'en trouver un autre, OK? L'indifférence. Donc, c'est tous des mécanismes que l'ego se donne parce qu'il ne veut pas souffrir. Puis, parce qu'il ne veut pas souffrir, bien, il veut pas savoir, est-ce que je suis une personne correcte? Bien, il m'a quitté. Est-ce que moi, j'ai été correct dans le couple? Ou est-ce que j'ai, finalement, tous les matins, je me levais puis je me chialais, puis c'est peut-être pour ça qu'il m'a quitté? La personne qui ne regarde pas ça, là, elle va tourner en rond longtemps. Hein? Donc, une personne qui n'est pas capable de s'étudier, ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas capable d'intelligence. Donc, ça revient un peu à, comme on disait, ça revient un peu avec ce qu'on disait au début, ça revient toujours à être capable de supporter le savoir, de supporter l'intelligence qui essaie de descendre en nous. Puis, ce qui empêche cette intelligence-là de descendre, c'est la réflexion. Ouais. Ouais. Alors, les mécanismes de défense, c'est de la réflexion, on pourrait dire aussi. Les mécanismes de la défense viennent toutes de l'âme. L'âme, il faut qu'elle se protège. L'âme, sa job, c'est de protéger l'ego. L'ego, lui, il ne connaît pas les mécanismes de défense jusqu'à temps qu'il les dévoile un à un. Par exemple, si toi, tu as, quand dans la peur de l'abandon, tu as tendance à quitter, à te sauver. Okay. Donc, tu peux être en couple. Et avant de savoir que peut-être ton couple ne fonctionnera pas, là, tu penses que ça va mal dans ton couple, ben tu quittes, tu te sauves, au lieu de faire face à la musique parce que tu as la peur de l'abandon. Donc, c'est un mécanisme de défense. D'autres mécanismes de défense, il y en a plein, c'est qu'il y en a que ça peut être... ils disent que leur vie tout seul serait mieux s'ils ne seraient pas avec l'autre. Mm-hmm. C'est parce qu'une personne qui dit ça, c'est parce qu'elle ne sait pas l'intelligence qu'elle va chercher dans son couple. Mais si, supposons, une personne dit, à la fin d'un couple, par exemple, il se passe ceci, c'est que les deux ont réalisé qu'il serait mieux de vivre séparément. Bon, s'il y en a une qui a peur de l'abandon, ça peut repousser le temps de la séparation. Parce que la personne ne veut pas se retrouver seule face à ses craintes, face à elle-même. En ces termes, un ego intelligent avec une conscience intelligente va faire simplement en sorte que les gens se prennent en main dans un couple pour s'assurer qu'il n'y en a ni un ni l'autre qui ait un karma face à l'autre. OK. Non, c'est bon. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au rythme d'intégration? Par exemple, une personne qui a ses mécanismes de défense, qui vit un choc, les mécanismes de défense embarquent. Est-ce que cette personne-là intègre quand même une partie, oui, peut intégrer un corps, tu sais, peu importe. Est-ce que la personne intègre quand même un peu, puis les prochaines fois qu'elle va revivre le choc, ça va être un peu moins pire, ou comment ça fonctionne par rapport bien, à la vie? Aussitôt que si elle avait un choc, puis elle voit qu'elle a quelques mécanismes de défense, elle peut réaliser qu'elle utilise tel mécanisme de défense, supposons, elle va réaliser que c'est ça qui l'empêche finalement de dépasser et d'avoir un taux vibratoire plus haut. Fait que, aussitôt qu'elle dévoile un mécanisme de défense, qu'est-ce que tu penses qui se produit, Chloé? Ben, l'ego souffre, puis il veut se protéger de cette souffrance. Mais s'il donc... découvre, s'il dit « Ah, c'était okay. le mécanisme de défense qui opère en moi. OK, la peur de l'abandon, donc j'ai tel comportement. » Elle conscientise. Elle ne le comprend pas tout, mais elle conscientise que « Ah, elle a telle façon d'agir. » Qu'est-ce que ça va créer dans l'ego? Est-ce que ça crée de l'ouverture ou de la fermeture? De l'ouverture. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'elle va vivre une souffrance, elle va être attentive au pattern, puis elle va dire « Ah, là, je ne me ferai pas avoir deux fois dans ce pattern. » Est-ce que la souffrance va être aussi forte après toi, donc? Non. Et voilà. Ça veut dire que son taux vibratoire monte dans ce temps-là. Et c'est comme ça que l'intégration se fait. Ça se fait petit à petit, en dévoilant. Mais c'est sûr, hein? Une personne, à un moment donné, on va dire « OK, j'ai la peur de l'abandon. » Mais c'est définitif qu'avant que la peur de l'abandon se manifeste, il y a eu des pensées astrales qui ont été associées à ça. Mm-hmm. Fait que là, elle va monter d'une coche encore. Elle va voir les pensées astrales qu'elle a eues durant sa journée qui ont pu influencer l'événement plus tard. Ça se peut que le matin, elle avait des pensées astrales, puis le soir, ces pensées astrales-là ont permis à une entité sur les plans de la mort de se rapprocher, puis là, elle est percutée. Puis quand il se passe un petit incident, là, tout est à terre. Mm-hmm. Parce que dans sa journée, on a déjà travaillé. Mais quand tu es dans la conscience, quand tu es dans un processus initiatique avec la lumière, ça, ils peuvent faire ça le matin pour te débalancer le soir. Ou ils peuvent, durant la nuit, te laisser l'astral opérer en toi pour que tu sois tout croche le matin et que tu ne sois pas capable de mettre ta volonté dans ton ego pour qu'il soit... Quand on dit « ça va mal, ça va bien pareil », ça veut dire, en gros, que l'ego se donne le droit à de l'intelligence instantanée. Donc, il force l'intelligence en lui. Même s'il n'est pas habité de l'intelligence du double, il le force. Mm-hmm. Puis, en le forçant, son taux vibratoire monte. Donc, c'est certain que les pensées astrales qui vont être associées, supposons, à de l'abandon, il va les détecter beaucoup plus rapidement parce mm-hmm. qu'il est plus attentif à sa réalité. Il est plus présent à ce qui est, en étant plus présent à ce qui est, il est capable de désamorcer le processus. Et c'est comme ça qu'un jour, la mémoire éclate, parce que l'individu a suffisamment désamorcé le processus de la réflexion en lien avec la peur de l'abandon ou de la souffrance, qui fait que quand il vit une souffrance, l'ego, il s'en fait plus. Ouais. Au lieu de commencer à s'apitoyer sur ça, il dit « OK, quelle partie qui souffre? Pourquoi je souffre? » Puis c'est beaucoup plus froid. Ça permet à l'émotion d'être là. Mm-hmm. L'ego va dire « OK, ben j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'aller marcher pour... » Puis quand l'ego il dit ça, s'il dit « j'ai besoin d'aller marcher pour déprimer davantage », non, il va dire « j'ai besoin d'aller marcher pour étudier davantage comment l'énergie... » Puis les forces de la lumière sont tout près dans ce temps-là. Ils vont s'arranger que tu aies accès à des réponses, mm-hmm. soit dans ta marche, ou ils vont peut-être te dire « ben inquiète-toi pas, tu vas avoir des réponses demain, ou tu sais, couche-toi, prends soin de toi, puis en prenant soin de toi, tu vas avoir la paix dans ton mental. » Parce que le but, c'est pas nécessairement de comprendre tout ce qu'on vit. Mm-hmm. Le but, c'est de gérer ce qu'on vit sans en ajouter. Ouais. C'est ça le but. Si tu n'en ajoutes pas, ça veut dire que la lumière reste intacte en toi, puis à un moment donné, tu as tes réponses. OK. Fait que... Ça, ce que vous venez de dire, est-ce que ça pourrait être une certaine mesure pour faire la distinction entre est-ce que je me réfléchis ou est-ce que je suis en étude de moi-même? Ah ouais, ça c'est intéressant, Chloé. Une étude, c'est ceci. C'est la capacité de l'ego de se mettre sur la table et de s'observer. De s'observer intelligemment. OK, de dire, OK, ah! Aujourd'hui, mon taux vibratoire, je me sens un peu... Je suis vulnérable aujourd'hui. Mm-hmm. Bon, l'ego s'étudie. Si l'ego se réfléchit, puis il se lève le matin, puis il dit « Ah, oh, je fais le don pas bien le matin. Ah, Christ, tout le monde me tape ses nerfs. » Il n'y a pas grande étude dans ça. Non, effectivement. Mais je pense qu'on peut conclure bientôt, mais je voudrais quand même apporter le point aussi que c'est facile pour un individu qui se conscientise de vivre de la culpabilité en lien à son évolution personnelle. Oh, ça c'est intéressant. Parce que la culpabilité qu'une personne vive en lien avec son évolution personnelle est reliée simplement au fait que l'ego, il a oublié quand il s'est incarné, ou l'âme a oublié quand il s'est incarné, la vitesse du rythme d'évolution qu'elle avait décidé en lien avec sa lumière pour intégrer ses souffrances, ses mémoires. L'ego, il a oublié ça. Fait que là, il se culpabilise soit de ne pas évoluer assez vite, ou il se culpabilise de n'avoir trop, je devrais en avoir moins, je devrais être dans ma lumière tout de suite. Fait que là, il n'est pas capable de s'en sortir parce que il n'accepte pas que la lumière décide de tout. Puis tant que l'ego n'accepte pas qu'il décide de tout, ben il va se culpabiliser, lui, de ne pas être à la hauteur. Oh, mais pourquoi je ne l'ai pas compris, ça, la peur de l'abandon? Pourquoi que j'ai pas compris ça, que de la spiritualité, ça donne pas c'est pas nécessairement de l'intelligence? Pourquoi que j'ai pas compris ça? Fait que là, il se culpabilise. Il dit, j'ai vécu 10 ans de spiritualité, puis finalement, j'ai perdu mon temps. Non. Tu as vécu 10 ans de spiritualité, ou 3 ans, ou 2 ans de spiritualité, pour te permettre d'équilibrer ta vie au niveau de tes corps afin de rencontrer de l'esprit. Parce que si une personne est dans la spiritualité, bien souvent, elle s'ouvre, il y a une partie d'elle-même qui s'ouvre à la capacité qu'il y a quelque chose de plus grand qu'elle qui dirige sa vie. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Mais là, dans la spiritualité, elle va lui donner toute l'autorité. Ah, ben mes guides, donnez-moi les réponses. Alors qu'avec la lumière, c'est pas ça. Avec la lumière, c'est... T'es conscient qu'on est là, t'es conscient qu'on est en bas. Fait qu'une personne va dire, t'es-tu là, mon double? Il va dire, oui, on est là. Ben, puis toi, si tu dis dans ton ego, ben, j'aimerais ça que vous m'éclairiez. Il dit, par rapport à quoi? Puis là, tu dis, ben, pourquoi je vis de l'abandon? Ils vont dire, tu vis de l'abandon, puis t'as X raison. Mais quelqu'un qui est dans la spiritualité, il va avoir un dialogue différemment. Il va dire, envoyez-moi quelqu'un pour que je puisse régler ma peur de l'abandon. La personne qui vont t'envoyer, les guides spirituels, ça va être une âme très avertie, aguerrie, qui va t'informer, mais qui va te garder aussi soumise à son autorité. Mm-hmm. Donc, elle va dire, apprends à t'aimer. Mm-hmm. Câlisse, apprends à t'aimer. Le double, il ne dira jamais ça. Le double, il va dire, tu t'aimes-tu assez? Là, ça va dire non. Puis là, la personne va dire, pourquoi je m'aime pas assez? Puis là, le double, il va dire, tu te réfléchis trop. Ah, ben quelle partie de moi qui se réfléchit trop? Ben, tu donnes l'importance aux autres, plus qu'à toi-même. Mm-hmm. Fait que si tu es dans la spiritualité, tu vas dire, pourquoi je m'aime pas? Il va dire, ah, fais confiance à la vie. Tu fais pas assez confiance aux autres. Tu te fais pas assez confiance à toi. C'est pas une affaire de confiance, tabarnak, la culpabilité. La culpabilité, c'est l'impossibilité de se réinventer sur le tas et de savoir que tout ce qu'on a vécu, on devait le vivre parce que c'est comme ça. Oui. Donc, pour la personne qui vit une souffrance plusieurs fois, qui atténuer un peu sa culpabilité, elle doit garder en tête que tout est planifié d'avance de toute façon, puis de se concentrer sur le fait qu'elle avance malgré tout, puis ouais. Que si elle avance moins vite, ben c'est que c'est son rythme à elle quand même. Puis si son ego il accepte pas le rythme, c'est parce qu'il souffre de penser qu'il est pas intelligent, puis qu'il pense toujours encore que l'intelligence vient de lui, alors que l'intelligence de son évolution ne lui appartient pas. C'est les forces de la lumière qui décident si un ego peut brasser telle réalité et avancer et changer de taux vibratoire instantanément. Il y en a, juste pour conclure, comme tu disais tantôt, parce qu'on veut conclure, que le principe d'évolution ou le principe initiatique peut durer 10-15 ans. OK? Parce qu'il faut qu'il y ait un rythme très lent, sinon ils vont déséquilibrer leur vie, ils n'ont pas assez d'intelligence qui descend dans le mental, sur le tas, pour avoir un taux vibratoire froid. Il y en a d'autres que ça va être beaucoup plus rapide parce qu'ils ont la capacité de faire descendre l'intelligence froide dans le corps d'énergie. En faisant descendre de l'intelligence froide dans le corps d'énergie, ça neutralise rapidement les mémoires de l'âme et ça fait exploser rapidement les mémoires de l'âme, ce qui permet à l'ego de se désengager de sa propre vie. L'ego, il comprend que sa vie, c'est pas sa vie, puis il est beaucoup plus attentif aux lois de la lumière qui agissent sur lui pour se donner une direction. Sa direction est plus claire. Fait que s'il est en couple, puis même si c'est difficile, la personne va savoir, je suis en couple, mais je sais pourquoi je suis en couple. OK? Puis elle ne se donnera pas mais est-ce que l'autre m'aime? Elle va savoir que l'autre l'aime. Mais elle va aussi réaliser que, OK, je vis du mémoriel, je vis des souffrances, c'est à moi de les régler. Parce que si je ne les règle pas, d'une façon ou d'une autre, c'est moi qui vais se retrouver tout seul un jour avec ça. Alors que si je suis en couple, puis je les regarde, puis je mets de l'intelligence dans ça, je vais voir que toutes les fois que je vis une souffrance, je ne dois jamais la détourner de mon regard et c'est moi qui dois le regarder. Mais je peux l'étudier avec quelqu'un d'autre, s'il me respecte. Je peux l'étudier avec mon conjoint ou avec une amie. Mais en l'étudiant, tu permets quoi? Tu permets que ton initiation solaire ou ton processus initiatique soit moins difficile. Oui. Puis, dans le fond, qu'on l'étudie soi-même ou avec quelqu'un d'autre, ça me faisait penser à ça tantôt parce que c'est les mêmes. Tu avais donné trois règles pour s'étudier. La première, c'est d'abord de prendre conscience de la souffrance. Ah, là, j'ai un trouble de l'abandon. Donc, si on l'étudie avec quelqu'un d'autre, ça revient un peu au même. Donc, on demande, l'autre va essayer de nous amener à prendre conscience que ce qu'on vit, c'est l'abandon. Donc là, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'était, dans le fond, je m'en souviens plus. Est-ce qu'on peut revenir sur la deuxième et la troisième? Juste résumer la deuxième et la troisième étape. Moi non plus, je m'en souviens plus, parce que les gens devraient écouter le début. Mais la deuxième étape, je dirais, une fois que tu as pris conscience, il faut que l'ego soit en mesure de la garder en objectif. Le mécanisme dans lequel tu fonctionnes pour, supposons, la peur de l'abandon. Là, tu en prends conscience. Là, tu regardes comment l'ego agit avec la peur de l'abandon. Puis le mécanisme de défense qui se donne pour ne pas pouvoir le régler froidement. Parce que le mécanisme de défense, c'est un peu de la sauvette. Tu veux te sauver, ou tu veux le réfléchir, ou tu veux le rationaliser pour te dire, ben c'est l'autre qui n'est pas correct. Tu déplaces le problème. Puis je pense que le troisième, c'est si tu es capable de faire ça, automatiquement, tu forces l'intelligence à se rapprocher de toi, tu es plus présente à ta vie et ton taux vibratoire monte. Fait qu'on pourrait conclure là-dessus. Ouais, ça c'est une bonne fin. OK. Merci, Chloé. Merci, Marc. OK.